mal ran. Das macht. Non accepté. C'est vache. Et si on est en retard, j'aurais aimé venir déléguer. Vous voulez bien m'appeler avant. Mais j'ai un quart d'heure, je suis appelé. Parce que vous savez, le temps de venir de l'hôpital, un truc avec l'embouteillage. Juste. En tous les cas, pour rattraper, je préfère donc, je vais reprendre ce qu'on a fait rapidement, mais les mots-clés, parce que j'insiste. Lorsque dimanche on fera TD, je ne parlerai pas de ce cours. Je ne tolérerai aucune question sur ce cours. Pourquoi? Parce que je ne vais pas répondre à des questions à une majorité qui est absente, mais j'ai un TD, il va me faire perdre le temps pour comprendre un cours pour lequel il n'a pas assisté. Alors si vous avez des questions, c'est à toi. Je veux que vous sortiez de ce cours aujourd'hui en ayant appris. En ayant appris, c'est mis sur une autre. D'accord ? Je reprends. On avait dit, concernant, donc, il y a des mots-clés, concernant la prescription, tout ce qui est en relation entre donc, le médicament et une femme enceinte, c'est-à-dire en état de grossesse. On avait dit qu'il y avait essentiellement trois mots-clés sur lesquels vous devez vous baser. Et à travers ces trois mots-clés, on était donc. Dans la largesse de réfléchir comme on voulait. Bon, la première, si vous vous rappelez, c'était quoi? Il y avait trois que j'ai mis en gras. Lesquelles? La barrière, face à terre, le rapport bénéfice-risque et l'effet thérapeutique. D'accord? Ces trois mots-clés. À partir de ces trois mots-clés, vous allez voir, il y a des subdivisions. Tout le cours repose sous ces trois mots-clés. Donc, pour parler, j'ai sauté, donc, la barrière, il n'y a pas de barrière. Hormis. Très bien. Hormis, parce que vous allez voir des exemples de particularités. Hormis les molécules de haut poids moléculaire, telles que l'héparine, telles que l'insuline, telles que certains immunosuppressants. Donc il y a le poids moléculaire élevé est un facteur limitant, mais très peu de médicaments. Mais quand on ne raisonne pas sur les particularités, on raisonne sur les généralités, et on va dire que la barrière placentaire n'est pas réellement une barrière. On a clôturé. Le deuxième mot est le rapport. Mais avant le rapport, on va essayer de comprendre ce que c'est la thérapogénicité. Qu'est-ce que vous avez retenu sur la thérapogénicité, une molécule thératogène ou le phénomène thératogène? Qu'est-ce que vous avez retenu? À quel moment on peut dire qu'on a thératogénicité? Des fissures. Très bien. Les mots clés, c'est une anomalie structurelle ou fonctionnelle. Et où? Ça peut être une offre, ça peut être l'autre, qui a des répercussions sur le développement fœtal, aboutissant à quoi? Soit à une malformation, ça à des avortements, soit à une mort in utero, soit à un effet carcinogène. C'est ça? Tac, tac, tac. On est bien d'accord sur ça, deuxième mot clé. Classe, on a clôturé. Ce que c'est, on a compris ce que c'est. Donc, la carcinogénicité n'est pas phénomène, n'est pas une notion d'une malformation uniquement structurelle, mais elle peut être d'avoir la conséquence d'une altération fonctionnelle. On est bien d'accord sur ça? Si on a le on pense maintenant à ce rapport bénéfice-risque. Quand vous êtes censé, et le mot-clé, quand on est censé traiter une femme, on est censé raisonner sur la base. Elle est enceinte. D'accord? On a une règle de risque, c'est pas par défaut, mais il vaut mieux raisonner par excès, en disant que peut-être moi j'ai fait un mauvais diagnostic, que peut-être la femme a même, dès sa thèse de grossesse, parce qu'elle a eu un retard, et que le test de grossesse s'est avéré négatif. Vous avez même posé la question, mais parfois il y a des faux négatifs, comme il y a dans le test de grossesse des faux positifs. Vous le savez, je comprends, et vous allez découvrir. Donc, ça devient un peu aléatoire tout ça. Donc il faut raisonner sur le fait que pour un peu minimiser les facteurs de risque, moi je vais raisonner sur la base que si je dois traiter, je dois réfléchir que j'ai en face de moi une femme enceinte. Vous allez voir que la démarche, et bien on va la voir pour la conclusion du cours. On va aller plus vite. Hada la partie. Bon, mais quand on parle de bénéfice-risque, bénéfice-risque, c'est-à-dire que j'ai un bénéfice très important, mais ce bénéfice, il est aussi bien pour la maman et pour le fœtus. L'un ne peut pas se faire au dépens de l'autre. D'accord ? Mais quand je parle également du risque, le risque également. Sur un sur. Parce que là, quand je parle du risque, vous n'avez pas le droit de raisonner, et vous allez voir en conclusion, que le fait de réduire le traitement chez la femme enceinte, vous allez minimiser le risque tératogène. Parce que vous allez aggraver la pathologie de la maman. Et toute conséquence d'une pathologie maternelle a ses répercussions. Donc c'est un raisonnement qui est lié. Donc il faut partir sur les deux. Les données, l'un et l'autre. Bon. On est bien d'accord sur le rapport. Si on peut maintenant raisonner sur l'histoire du bénéfice. On parle donc pas de la femme enceinte. La femme enceinte, donc le volet qu'on est en train de voir, on a vu une partie. Quelle est la partie qu'on a vue? Le paramètre, pharmacocinétique. La femme enceinte a une particularité pharmacocinétique par rapport à une femme non enceinte. On est bien d'accord? Quelles sont ces particularités? Lesquelles? Quand on, je voudrais que, que ça sorte ancré. Je parle de pharmacocinétique. La pharmacocinétique, c'est quoi? Réabsorption. C'est l'absorption, la distribution, l'élimination. L'absorption, c'est qu'est-ce qu'il y a comme particularité? Il avait dit qu'il y avait trois mots à retenir. Diminution du péristaltisme, diminution de la diminution gastrique, ralentissement, diminution du pH. Qui faisait quoi? Augmentation de la concentration maximale était augmentée avec un risque de surcharge. Automatiquement, on peut avoir un effet primaire exacté ou là des effets secondaires. Donc il y a un risque. Sans oublier que même si cette fraction libre, diffusible, d'autant plus qu'on avait dit que la barrière n'existait pas, cette fraction va aller vers le fœtus en partie. Ça, c'est une particularité qui fait que ça devient un problème. On ne peut pas toujours gérer. Deuxième paramètre qui est variable chez la femme enceinte, c'est la distribution. Et il y a une augmentation de quoi? Du volume de distribution, aussi bien intracellulaire, interstitiel, extracellulaire, sans oublier qu'il y a un volume en plus. Compartimentale. Donc, qui va provoquer quoi sur le plan hémodynamique? Augmentation du débit cardiaque avec baisse de la tension, qui avait comme conséquence les œdèmes, qui avait des rétentions. Mais, mais l'augmentation du débit va provoquer quoi? Une augmentation de la distribution tissuelle, la perfusion de la distribution tissuelle. Le médicament va se retrouver un peu partout. D'accord? Et plus grave encore, c'est qu'il y a autre chose. Non, toujours la distribution. Stockage. Non. Hypoalbuminémie, surtout pour les médicaments à caractère acide, ils vont se retrouver sous forme libre. Parce qu'il n'y a pas assez. Donc, automatiquement, la fraction libre. Donc, il y a la diminution, il y a une surcharge. Donc, de record de distribution. Donc, c'est une problématique. Il faudrait gérer. Mais sur quoi maintenant on a un autre? La dernière phase, c'est l'élimination. L'élimination est augmentée par l'augmentation du débit de perfusion rénale. Mais ceci, est-ce que c'est un défaut? Ça peut être un avantage ou un inconvénient. Si c'est de vous donner un médicament à caractère acide, d'accord, qui n'est pas réabsorbé, ça va se passer. Bien, ça dépend. S'il est rapidement éliminé, donc la concentration plasmatique va baisser. D'accord. Bien d'accord. Il y aura toujours un déséquilibre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer, il va y avoir une perturbation, puisqu'on a toujours raisonné sur le compartiment plasmatique. Et bien le compartiment plasmatique est assujetti à quoi? À une distribution élargie et à une élimination assez rapide. Donc il va y avoir une perturbation. Et ça, c'est difficile à gérer parce qu'on est obligé d'établir des relations entre la concentration plasmatique et les effets du médicament. Mais il y a également, ceci est valable pour les médicaments qui sont hydrosolubles. Mais si vous avez affaire à un médicament qui est liposoluble, j'avais peur que le portable sonne, j'ai oublié dans la voiture, tant mieux. Il sonnera ailleurs. S'il est liposoluble, est-ce qu'il sera éliminé? Non, c'est une limitation hépatique. Donc, il y a une compétition. Donc, réellement, l'élimination va être diminuée. Parce qu'il y a une compétition des hormones. Vous êtes d'accord? Sur ce plan, c'est clair. Donc, il y a des modifications cinétiques qui vont carrément influencer sur la bio et de ce fait sur la réponse du médicament. Ce volet, on est d'accord. C'est clair. On s'est arrêté à ce niveau-là et j'avais dit essentiellement que l'effet également, quand on traite également et quand on parle d'effet thérapeutique, il n'y a pas que ces caractères cinétiques liés à la femme, mais également il est lié, puisqu'on a pas, on parle d'impact sur le fœtus, donc on parlera de cycle. C'est pour cela qu'on va revenir au stade. Est-ce qu'on parlera du premier trimestre, du deuxième, du troisième, pas pour toute la grossesse, etc. Et on s'est arrêté là. Donc, vous avez mis en grand A paramètres pharmacocinétiques modifiants, c'est ça? Et grand B, selon la période d'exposition. Je suis arrêté là, vous en avez encore un peu, je pense. Selon la période d'exposition. On s'est arrêté là. Selon la période d'exposition, vous allez voir que l'impact ou l'effet que vous demandez de raisonner sur le fait, est-ce que il y a un impact. Et s'il y a un impact, la question que vous aurez à 99%, est-ce que cet impact est structural et ou fonctionnel? D'accord? On va voir les répercussions. Vous n'allez pas noter ça, s'il vous plaît, parce que je vais résumer les choses plus simples. Avant l'implantation, généralement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur le plan de barrière, c'est le mât. Vous avez une question sur le plan de barrière. Est-ce que la barrière affecte? Si vous le cochez, c'est que c'est zéro. Pourquoi? Parce qu'à ce stade-là, il y a des choses. Donc, c'est pas un paramètre qui peut interférer. D'accord? Est-ce qu'il y a des altérations morphologiques ou structurelles? Non. Il n'y a rien. D'accord? Donc, par contre, il faut faire attention à quelque chose qui peut avoir une répercussion. C'est le temps de l'hémorragie. Pourquoi? On peut atteindre ça. Parce qu'il y a des choses bancaires. Non, des choses. Vous pouvez avoir traité, c'est une femme donc, qui est venue vous voir, qui pendant un mois avant, peut-être début janvier, elle n'était pas enceinte. Vous avez donné un traitement à cette dame, mais ce traitement a un temps de demi-vie long. Vous allez voir des exemples, on va illustrer par des exemples. Et si le temps de demi-vie est long, et par la suite, elle est tombée un mois après, eh bien, elle peut tomber directement au niveau de cette période. C'est-à-dire la période d'implantation. Et pendant la période d'implantation, et c'est pour cela souvent, chez certaines femmes, on ne fait pas attention à ce qu'il y a eu un traitement au préalable. Soit c'est une des raisons, c'est pas la raison, c'est une des raisons, et bien elles font des fausses couches, des avortements. Et cette période-là est appelée la période de la loi du tout ou rien. C'est-à-dire que soit il y a une fécondation, et que le médicament n'altère pas l'ovulation et le fœtus se développe normalement. Pourquoi? Parce que l'organisme a pu se défendre. Et il n'y a aucun problème. D'accord? Ce sont des médicaments. S'il y a altération, s'ils ont une action, ils ont une action pendant cette période. C'est-à-dire à la période de la nidation. Maintenant, s'il y a problème, il y a mort. Avortement. Et c'est pour cela qu'on dit que c'est la loi du tout ou rien. Soit il y a tout, c'est-à-dire que le développement s'est fait normalement et le médicament n'a eu aucune action sur le processus de développement embryonnaire, soit qu'il a une action, et s'il a une action, l'organisme va également se défendre. Mais il va se défendre autrement, par l'apoptose. Donc il va digérer l'ovule et elle sera rejetée. Parce qu'il va trouver qu'il y a une anomalie au niveau de l'œuf. Donc, c'est ça, après cette période, on va faire ça, et la loi du tout ou rien. D'accord? Je ne vais pas parler de ce tableau, on va le voir canure. Vous notez s'il vous plaît. Quand vous avez mis, selon votre période d'exposition, premièrement, avant la plantation, vous notez que pendant les 8 premiers jours, Pardon ? Ah, vous l'avez déjà écrit ? Oui. Parce que je suis vos camarades. Voilà, si vous avez tout, donc il y a la loi du tout ou rien. C'est bon ? C'est clair. Donc, deuxième étape, vous n'avez pas pris ça ? Non. Oui. Hein ? Selon donc la période, prenez des classes, on en parlera après. Donc, selon la période, donc la deuxième phase, c'est la période embryonnaire. Période embryonnaire. Dans la période embryonnaire, généralement, c'est l'organogénèse. On est bien d'accord ? Vous êtes une association en cours de pharmacologie incompatible. Trop de bruit pour que vous êtes ensemble. La prochaine fois, j'espère que l'examen va se faire au dernier. On est bien d'accord ? Dans la période, donc, après la période d'implantation, la période embryonnaire. Dans la période embryonnaire, donc, le mot, c'est l'organogénèse, et il y a un risque d'atteinte morphologique. En d'autres termes, donc, si je mets une question, on vous demande, est-ce qu'il y a une anomalie fonctionnelle ? Non. Vous n'avez pas le droit de coucher. Et si je parlais de la période de nidation ? Est-ce que c'est une aspect morphologique ? Quoi ? Structurel ou fonctionnel ? Vous avez les deux. Non, mais cache-moi. Là, les questions. Vous avez c'est quoi ? J'ai dit, est-ce que c'est une altération structurelle, altération fonctionnelle ou altération des deux ? Des deux. Structurelle. Ah ? La réponse est déjà. Déjà, les éducations, toutes les propositions sont fausses. C'est aucune. Hein, au stade de nidation, et il y a, parce que c'est un état d'œuf, ni c'est vieux, ni mon cœur, parce qu'il n'y a pas d'organogénèse, c'est pas une fonction qui a été donc, c'est ni l'un, ni l'autre. On est d'accord ? Votre regard, ni non. Je dis que là, la thératogénèse peut être soit une altération de la structure, du développement embryonnaire, soit une des fonctions cellulaires qui a, peut produire un effet génétique, un effet cancérigène, etc. Mais au stade de l'évaluation, j'ai dit que c'est le stade de la loi du souvenir. Soit que l'embryon ou l'œuf survit, se développe, soit que l'œuf meurt. Votre camarade, là, si on peut calquer et expliquer le mode d'action, on n'a pas le droit de dire que c'est ni une atteinte fonctionnelle, ni une atteinte de l'organogénèse. Là, à ce stade embryonnaire, c'est une atteinte qui est morphologique, qui est structurelle. On est bien d'accord ? Troisième période, c'est la période fœtale. La période fœtale. Oui. Si vous vous rappelez, votre premier cours, je vous ai dit que selon les semaines, je vous ai dit, je vais vous donner un truc, ça peut avoir l'atteinte de l'œil, du cerveau, jusqu'à l'atteinte des organes génitaux. D'accord ? Là, on n'est pas à ce stade-là pour détailler. Là, c'était tout simplement pour dire, en fonction, au stade embryonnaire, tout dépend du stade national, c'est pour cela que certains sont beaucoup plus contre-indiqués. La première, premier trimestre, et lui, vous donner des exemples, mais pas au deuxième et au troisième. Mais d'autres sont carrément contre-indiqués du premier au dernier trimestre, parce que tout simplement, il va y avoir, c'est plus un problème organique, c'est-à-dire de structure de développement, parce que l'organogénèse sera terminée, mais c'est beaucoup plus fonctionnel. Vous êtes d'accord ? Là, pour retenir, à la période fœtale, c'est-à-dire du deuxième mois jusqu'à la fin, c'est quoi ? Généralement, c'est la période de croissance et de maturation histologique. Histologique, les mots clés, c'est censé retenir. Histologique et enzymatique. Les deux. Voilà, déjà les mots. signifie que la tête est une atteinte qui est morphologique, structurelle et fonctionnelle. Les deux à cette période-là. Donc, c'est une période de croissance, de maturation histologique et enzymatique. Et je vais résumer tout simplement que la pression, regardez, ça se résume en quoi ? Par un retard de croissance in utero. C'est-à-dire que vous avez un fœtus qui a l'aspect d'un prématuré. Soit carrément des anomalies fonctionnelles, d'accord, qui sont temporaires, c'est-à-dire qui sont réversibles ou irréversibles. Temporaires ou définitives. Il y a des fois, certains enfants naissent où ils ont des petites maladies, mais avec, après 3 mois après la naissance, leur vision devient normale. D'accord. Et il y a carrément un problème qui se pose, c'est la cancérogénèse à distance. La cancérogénèse à distance, les effets sont entièrement recherchés. C'est pas à recherche, j'essaye. Quand quelqu'un a un film à main, on ne regarde pas. J'y dirais qu'il passe à double œil contre l'autre film. Qui est-ce qui a tombé ? Ça dépend du prof, je sais. Ça dépend du prof ? Est-ce que vous avancez en général ? Non, je recule. Ah, je passe. Donc, c'est quoi la cancérogénèse à distance ? Qu'est-ce qu'on entend par cancérogénèse à distance ? C'est l'apparition d'un cancer. Mais le jeu de mots à distance. C'est un jeu de mots. Après quoi ? Après la naissance. C'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on observe pas chez la maman, mais chez le fœtus. C'est les enfants qui naissent, mais 3-6 mois après, on trouve des comportements excessifs. D'accord ? Des pathologies, des niveaux. Carrément. Là, c'est un phénomène, et là, c'est un truc qui est que je peux cocher morphologique. Non. Ça peut être que c'est une altération de la multiplication cellulaire. Parce que si vous vous rappelez, je pense qu'on vous a parlé de l'anapath. Le mot que vous êtes censé retenir sur le plan carcinogène, eh bien, les cellules normales ont un phénomène de diminution de contact. Elles se multiplient. Dès que deux cellules se touchent, elles arrêtent de se multiplier. Ça, c'est le phénomène physiologique. Une cellule cancéreuse n'obéit pas à ça. Elle continue à se multiplier malgré qu'elle se touche. Automatiquement, elle va donner naissance à une tumeur. C'est un tissu qui se multiplie de façon anarchique. C'est ça, une tumeur. D'accord ? C'est un processus cancérigène. Une cellule qui n'obéit plus à la loi physiologique qui est l'inhibition de contact. Voilà ce qu'on peut dire de la période féotale. La période féotale est une période qui va de 2 mois. La fonction est là. Donc on peut avoir des retards de maturation. On peut également des perturbations enzymatiques. Hein? C'est pour cela que parfois on découvre, comme chez des enfants, à titre d'exemple, on ne fait pas attention, mais beaucoup se posent des questions à l'heure actuelle chez des enfants qui n'ont pas, qui ont des grands-parents qui ne sont pas diabétiques, sur le plan de descendance. Les parents ne sont pas diabétiques. Et l'enfant diabétique n'est pas découvert à la naissance. C'est quand il a 2 ans, 3 ans, 5 ans, on découvre fortuitement qu'il a un diabète. C'est qu'il y a une altération au niveau cellulaire fonctionnel, et par la suite, il y a carrément des anticorps qui se font contre les cellules. Non, contre le diabète, le pancréas. C'est-à-dire qu'il bloque la cellule. Donc, initialement, elle était fonctionnelle, qui va diminuer, s'arrêter de façon irréversible. Et l'enfant devient automatiquement diabétique. C'est dans la conservation, c'est généralement les fonctionnels. La période. Pardon ? Je n'ai pas écrit. Hein ? J'ai dit tout simplement que c'est une période. Je suis pas adoré. C'est une période, j'ai dit, de croissance. croissance, de maturation histologique et enzymatique. Cette période de croissance, de maturation histologique et enzymatique. Qui va signifier quoi ? Il signifie que ça va se manifester par un retard de croissance in utero, par des anomalies fonctionnelles réversibles ou irréversibles, et par un phénomène carcinogène ou cancérogénèse à distance. C'est tout ce que je vous demande. Je ne dis pas plus. Oui. Explique-moi comment entre maturation histologique et maturation enzymatique. J'ai donné l'exemple. Morphologique, c'est carrément un tissu qui est. Il y a parfois des corses qui se naissent où il n'y a pas de différenciation des voies. Donc il y a un arrêt. Et le phénomène d'apoptose, je ne sais pas, c'est un phénomène qui est physiologique qui permet de faire la différenciation. D'accord ? Les interdits. Et là, donc il y a un arrêt de perturbation. Ça se fait pas tout le temps. Morphologique. Il y a un tissu qui croit qui n'est pas finalisé. D'accord ? C'est également, vous allez voir, quand dans la fente, au niveau de la bouche, où il n'y a pas fermeture, qui reste ouverte. Ça, c'est maintenant fonctionnel. Déjà, j'ai donné l'exemple du diabète. Voilà l'exemple de on considère parfois, on le dit parce qu'on ne peut pas faire la différence, chez des sujets qui sont dits déficit enzymatique congénital. Il y a eu une altération, une mauvaise information qui a été transmise et elle devient donc récessive. Il n'y a pas d'enzyme. D'accord ? Il peut y avoir carrément, vous allez voir, on va le faire avant le cours, dans le cas de l'épilepsie. Dans l'épilepsie, il y a des sujets qui ont donc, on a dans notre organisme, on a deux principaux. On a l'acétylcholine, qui est le neuromédiateur excitateur le plus important, mais on a le système GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, qui est un inhibiteur enzymatique. D'accord ? Et il y a un équilibre. Mais il y a des sujets qui font ce qu'on appelle, ils sont recalcitrants à tous les antipyrétiques qu'on donne. Pourquoi ? Et parce que beaucoup de médicaments font appel à la stimulation, à la libération du GABA. Ah oui, il ne peut pas fabriquer le GABA. C'est comme dans le cas de l'insuline. Vous ne pouvez pas, il y a des médicaments qui peuvent stimuler la sécrétion de l'insuline. Mais si quelqu'un n'a pas, les cellules sont bloquées, vous ne pouvez pas. Tout ce que vous pouvez faire, c'est ramener de l'insuline. Là, la même chose pour le GABA, et bien, il y a certains sujets qui ont un déficit en GAD. C'est une enzyme qui permet de synthétiser le GABA. S'il n'y a pas cette enzyme, il n'y aura jamais de GABA, et vous aurez toujours des sujets qui, pour un oui ou un non, se présenteront des hyper-excitabilités, de points synonymes et de crise convulsive. D'accord ? Là, ça devient un problème fonctionnel. D'accord ? On est d'accord sur ça ? La période suivante est la période néonatale. Avant de noter, s'il vous plaît, dans la période néonatale, avant que je ne dise pas qu'il y a pas. Qu'est-ce qui se passe ? Dans la période néonatale, eh bien, il faut considérer, contrairement à la première période d'implantation, là, dans cette période, c'est la mère qui joue le rôle de barrière. C'est elle qui joue le rôle de protectrice. Sur tous les plans, c'est elle l'organe épurateur. Quand il y a des dépassements sur tous les plans, c'est elle qui pompe tous les déchets. D'accord ? Et le problème se pose quand une mère est exposée et qu'une mère peut s'auto-épurer parce qu'elle peut se défendre. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas de barrière. Mais elle peut faire d'autres choses, mais il y aura toujours une partie qui va diffuser au niveau du compartiment puérotal. Et les problèmes vont se poser parce qu'à la naissance, les mécanismes d'épuration du fœtus sont immatures, sont à l'état ralenti, aussi bien sur la fonction rénale, puisque le temps de demi-vie normal d'un médicament est multiplié par 2 jusqu'à par 4 chez le nouveau-né, parce que le rein n'est pas également aussi fonctionnel. Et de surplus, le métabolisme hépatique également est ralenti. Parce qu'il y a une immaturité, c'est vraiment enzymatique. Donc dans les deux cas, les deux principaux organes d'épilation font défaut. Et maintenant, il est en dehors de sa maman, il doit s'auto-épurer. Et les mécanismes d'épuration ne sont pas très fonctionnels. Donc ça va poser des problèmes. Et c'est pour cela qu'il faudrait faire attention dans le choix. C'est-à-dire que le risque maintenant, parce qu'on parle de risque, le risque n'est plus pour la maman, mais pour le bébé. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faudrait toujours mesurer le risque quand on donne un médicament. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir? Parce qu'il faudrait toujours réfléchir avant, pendant la grossesse et après. D'accord? Donc vous notez. Alors la gravité est encore plus, ou le risque est d'autant plus grave. Si j'ai dit qu'un enfant, le nouveau-né, a un temps de vie qui va jusqu'à 4, eh bien pour un prématuré, il faut multiplier par 10. D'abord par 10. Pour un prématuré, ça va prendre encore 8 minutes. Donc, vous notez s'il vous plaît. Période néonatale, donc pendant la vie intra-utérine, organisme maternel et l'organe épurateur. À la naissance, ces organes d'épuration, sont ralentis. Et de ce fait, le temps de demi-vie des molécules, qui fait à peu près la réglementation, l'équivalent de l'OMS. Mais ils obéissent, ils appellent ça la FDA. Et cette classification est adoptée par tout le monde maintenant. Elle est large, j'en ai parlé la dernière fois. Qui signifie que sur le plan de tératogène, on peut classer un médicament tout simplement pour évaluer le risque, caractériser le risque. Il y a des médicaments où il y a une absence de risque phénotype, la sécurité non démontrée au cours de la grossesse. C'est-à-dire qu'on n'a en aucun cas démontré qu'il y a un risque. Et là, de par toutes les études, eh ben, ces médicaments, on dit qu'ils sont catégorie A. C'est-à-dire qu'on est plus à l'aise de les prescrire chez une femme enceinte, ou là, on doute, même si on ne sait pas, que l'on sache ou pas, on est plus à l'aise, puisque le risque tend vers zéro. Je ne dis pas qu'il est zéro, mais il tend vers zéro en 1. La catégorie B, ce sont des médicaments où le risque fœtal non démontré en cours d'expérimentation animale, c'est-à-dire que les essais sur des animaux n'ont pas dit qu'il y avait un effet tératogène, d'accord ? Ou des études menées chez l'homme. Et j'avais dit la dernière fois que ce qui est vrai pour l'un n'est pas pour l'autre. Mais généralement, pour les études menées chez l'homme, ce sont des médicaments qui sont nouveaux. D'accord ? Ou bien ce sont des médicaments pas très anciens où on n'a pas assez de recul. On n'a pas des années d'études. C'est-à-dire que ce n'est pas un médicament qui a été étudié il y a plus de 10 ans ou 20 ans pour démontrer. C'est un médicament qui est sur le marché depuis 3 ans. Donc ce n'est pas assez suffisant pour dire, on n'a pas donc, comme certains médicaments qui ont plus de 20 ans, pour dire qu'ils ont un effet tératogène ou pas. Donc là, on reste un peu subjectif. C'est-à-dire sur les animaux, ça n'a pas été démontré, tant mieux. Mais chez l'être humain, on n'a pas d'études épidémiologiques qui peuvent confirmer le contraire. Monsieur, pour la première, on a des études de... Non, absence de sécurité non démontrée au cours. C'est-à-dire qu'il y a des études sur des animaux négatives. Il y a des études sur des animaux également, mais qui n'ont pas été démontrées. Mais dans le premier cas, là, ce sont des médicaments qui sont également assez anciens, qui ne répondent pas. La classe C, le risque fœtal. Est inconnu, absence d'études concluantes chez l'homme. C'est-à-dire, c'est qu'il y a eu des études, mais chacun, pour la même molécule, j'ai trouvé qu'il y a un effet de malformation du bras. D'autres études ont démontré qu'il y a une altération de la structure. D'autres, il y a, chez les mamans traitées par ce médicament, on a trouvé un pourcentage de naissance ayant une leucémie. C'est-à-dire que toutes les études ne sont pas concluantes pour dire que ce médicament, s'il est donné, il entraîne ça. Il peut ça, ça, et que sur le plan d'incidence et sur le plan de fréquence, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est un cas par-ci, deux cas par-là. Donc c'est ce qu'on entend par non concluante. Mais l'entraînement obligatoirement, il y a des observations. Mais quand je dis concluantes, elles ne sont pas conséquentes. Ça, on revient à la pharmacovigilance. Il y a des études, mais les études n'ont pas démontré en majorité qu'il y a un... C'est-à-dire qu'on n'a pas établi ce qu'on a appelé en pharmacovigilance, une imputabilité. La relation cause-effet. Donc voilà, cause probable, c'est aléatoire, et même dans les faits, on n'a pas découvert le même effet. Wargan qui l'a entraîné que l'enfant... est né malvoyant, la rogue qui est né avec une diminution de croissance d'un membre, etc. Donc, ça devient. Il y a un effet, mais il est aléatoire. Il y a plusieurs effets, mais qui ne sont pas cohérents. Certains, ce médicament, a entraîné une atteinte fonctionnelle, la rogue une atteinte structurale. Donc il y a, donc quand ça devient douteux, on n'a pas le droit de l'exclure, on le met juste au milieu. D'accord ? C'est-à-dire que le risque existe. Noter plusieurs arguments, c'est pas un, plusieurs en faveur d'un risque fœtal. Plusieurs démontrent qu'il y a eu donc sur le plan épidémiologique. D'accord ? Et on sait qu'il y a un risque. Mais maintenant, si vous devez le prescrire, le produit. N'est utilisé qu'en dernier recours. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut calculer le rapport bénéfice-risque. Est-ce que quand je le donne, j'arriverai à sauver la maman, au dépend du fœtus, ou là, avec un risque peut-être probable, ou là, un risque que je peux corriger, vous allez voir. Donc, je sais qu'il peut entraîner, parce que j'ai dit que plusieurs arguments. Donc là, l'effet tératogène n'est pas aléatoire, il devient probable. D'accord ? Alors que dans le dernier cas, le risque fœtal est démontré. C'est-à-dire, il n'y a rien. Si vous prenez ce médicament, il y aura une malformation, parce qu'il est démontré aussi bien sur le plan d'études expérimentation animale que des études épidémiologiques. Au chidier, on va le voir après. Après la pub. On est bien d'accord, je ne vous demanderai pas d'apprendre à comme votre camarade qui pose une sous-séquence A, B et X. D'accord ? Hein ? C'est compliqué. Rien n'est compliqué. ABDX. Donc, c'est une classification qui est tout simplement, vous êtes censé retenir, qui fait appel à quoi ? Qui fait appel à soit une absence de risque fœtal, pardonnez-moi, soit qui fait appel à un risque fœtal démontré chez l'animal et pas chez l'homme, soit qu'il est démontré, soit qu'il a un effet fœtal démontré. Mais il faudrait le prescrire parce que le bénéfice est plus important. Soit que maintenant, à l'inverse, le rapport bénéfice-risque est inférieur à 1. C'est-à-dire que c'est le risque est plus important que le bénéfice, donc on le proscrit. Ah, est-ce que fait la classification ? D'accord ? On va voir des exemples, on va rediscuter là, à travers les... Avant de passer, vous n'avez pas besoin d'écrire ça. J'ai dit, vous n'avez pas besoin d'écrire. La bactério, déjà. Il y a vu que vos récepteurs tiennent la bactério, qui tient les différents germes, gram positifs ou négatifs. On bat de plus mal, ou moins va s'annuler, et ça va être le néant. D'accord ? Comment on va raisonner ? Comment on va raisonner ? Vous devez de raisonner sur quelle base ? On avait dit qu'on a deux problèmes sur le plan. Vous devez traiter une femme, et vous devez choisir un médicament, et vous devez tenir compte aussi bien des particularités de la femme que des particularités des tératogènes, mais de surplus du cycle de développement, à quel stade ? Est-ce qu'elle est enceinte ou pas ? Et si elle est enceinte, à quel stade ? D'accord ? Et là, donc, on se pose. Si les médicaments sont récents, si vous avez prescrit une molécule qui est récente, connue, donc vous aurez un problème de prescription. D'accord ? Parce que il faudrait maîtriser un certain nombre de paramètres pour vous poser est-ce que je suis capable de surveiller ma malade pour mieux établir le rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire que ma grossesse peut se poursuivre sans présenter de risque ni pour la maman, ni pour le fœtus. D'accord ? Et que, à côté, je n'ai pas assez d'éléments de diagnostic pour surveiller ma grossesse. Ça va poser un problème. Dans le deuxième cas de figure, c'est vous devez donner un traitement tout en sachant que le médicament possède un caractère tératogène, c'est-à-dire qu'il est dans la classification, il n'est plus dans le AMB, il est dans le CD. Donc il y a des risques soit aléatoires, soit probables. Bien d'accord, vous avez retenu. Donc maintenant, et le problème se pose, quel est le bénéfice ? Il faudrait que je traite la pathologie de la femme sans pour autant la sous-traiter, je ne vais pas jouer sur les posologies, mais également un rapport sur le fœtus, c'est-à-dire est-ce qu'il y a danger ou pas. Et là, si je peux le faire tout en sachant que j'ai un risque, est-ce que j'ai les moyens de faire des diagnostics préventifs ? On est bien d'accord ? C'est les questions. Je dois donner un médicament ? La question, je vais la simplifier, la réponse. Est-ce que vous avez assez de moyens, là où vous êtes, d'avoir assez de moyens de suivre, parce que c'est une molécule qui n'a pas assez de données bibliographiques, et vous n'avez pas assez de données sur le médicament, et vous n'avez pas assez de moyens de diagnostic pour dire que je peux prescrire ce médicament ? Et que la grossesse va évoluer normalement, et que je puisse guérir ma maladie. Parce qu'elle a une pathologie. C'est ça le problème. Si elle n'a pas de pathologie, elle dit ça tout. Si elle a une grossesse, elle n'a pas besoin de médicaments. Viens te couvrir. Déjà, vous avez double la grossesse. Dans la grossesse, vous dormez 13 heures par jour. Donc, il faudrait qu'il y ait une grossesse qui évolue. D'accord ? Mais le problème se pose, c'est que vous avez une femme enceinte qui peut être diabétique, qui peut être hypertendue, qui peut présenter la sclérose en plaques, qui peut être tas de choses. Et là, c'est ça le problème. S'il n'y a pas ces pathologies, il n'y a rien. Donc, il faudrait que je corrige la pathologie de la femme, j'arrive à pallier à son trou, sans pour autant affecter sa grossesse. Il sera toujours un risque. Il y a toujours le risque zéro, n'existe pas. C'est pour ça qu'on se pose la question. La question que vous devez vous poser, oui, quel est le médicament que je dois choisir pour, avec le moindre risque, c'est-à-dire risque minimum, bénéfice maximum. Ça n'existe pas, mais c'est le raisonnement. Mais maintenant, vous pouvez, si vous avez les moyens, vous pouvez choisir un médicament. Même, il a un bénéfice important, mais avec un risque également probable. Mais si vous avez les moyens de diagnostic, vous n'avez pas peur. C'est-à-dire que votre crainte est minimisée que lorsque vous n'avez rien. Vous allez dans un endroit pratiquement neuf, il n'y a aucun une pièce, on tape un stéthoscope, on dit qu'avec le truc, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas une échographie performante, c'est ça notre problème. On ne donne pas de médicaments. Vous ne donnez pas quoi? Médicaments. Alors qu'est-ce qu'on fait Elle a une bronchite. Ah, vous êtes enceinte. Ça va disparaître. Elle et le fœtus. On va voir. Oui, qu'est-ce qu'on fera alors, monsieur? Un peu de miel et un paquet. Voilà. Tu parles. Pour faire avorter, j'ai vu la lèvre, moi. On va prendre des exemples. Là, je vous pose la question, s'il vous plaît, restez dans le raisonnement. Vous êtes obligé de vous poser ces questions. C'est fondamental. Je vais vous démontrer des exemples. Et à ce moment, raisonnez. Les exemples que je vais vous donner ne sont pas des exemples à apprendre, mais des exemples sur lesquels vous allez raisonner. C'est des classes thérapeutiques qu'on va revoir en spécial. D'accord ? Mais là, c'est des particularités sur lesquelles on doit raisonner. En prenant le premier cas de figure, les antiépileptiques, j'ai dit, vous n'allez pas prendre parce qu'on va terminer avec la conclusion que vous allez rédiger. Là, je demande à ce qu'on a dit, si vous voulez, c'est un TD. Les questions. Quand on prend une molécule comme ça, elle est prospectée sur le morceau. La défaquine est un antiépileptique. Généralement, on donne pour le petit mal. C'est un médicament de choix pour l'enfant, mais on peut le donner pour des adultes. Ça ne pose pas de problème. Et on le donne beaucoup plus également chez la femme. Mais il y a un problème. Il y a des anomalies à faire de neurones, il y a des malformations cardiaques, dysmorphie faciale et un risque de syndrome également hémorragique. Donc non seulement il a des troubles morphologiques, mais également des troubles fonctionnels. On est bien d'accord. On poursuit rapidement. Là, un autre antiépileptique, la même chose. Un retard de croissance intra-utérin, un retard psychomoteur, des hémorragies également néonatales. Vous prenez une autre classe et vous constatez que là, il y a un risque hémorragique néonatal. C'est-à-dire, les exemples. Le dernier exemple, contrairement aux deux premiers, a des troubles. Mais qu'est-ce que le moi? Très bien, c'est tout ce que je vous demande de retenir. Il y a des troubles fonctionnels et non morphologiques. On est bien d'accord sur ça. Certains, dans certaines classes, ce que vous êtes censé retenir, c'est ça. Est-ce qu'il a des troubles types morphologiques? Et où? Les deux, on a vu qu'il avait un. Le deuxième, c'est les deux. Le troisième, fonctionnel. C'est pour ça que j'ai choisi les trois exemples. Quand on donne maintenant le problème, quand on donne, là on va se poser la question. Et on va se reposer la question de la conclusion. Il y a une conduite à tenir. Je ne vais pas revenir Si ça continue, je ne vais pas détailler, on va la voir par la suite, la conduite à tenir. Quand vous prenez des anxiolytiques, une dame qui souffre donc d'insomnie, elle est anxieuse, elle est traitée. Elle est traitée par des tels que le Temesta, l'Exomine, du Tranxène, un truc pour soit induire l'un des sommeils, soit prolonger le sommeil profond, soit inducteur de sommeil, tout dépend. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, on constate qu'il, sur le plan thérapeutique, il est très faible. Donc, on reclasse le médicament, on peut le classer par. Il y a faible augmentation, mais on ne peut pas le classer A parce qu'il y a une faible, c'est-à-dire qu'il y a une fréquence. Donc on peut le classer sans problème en B. D'accord. Il y a faible process, il y a un passage. Ils disent, parce que ça peut entraîner des hypotonies, des détresses respiratoires, ça c'est la femme. Mais le problème qui se pose, c'est parce qu'il y a un passage fait au table. Donc ces manifestations d'hypotonie, des détresses respiratoires, ne sont pas importantes pour la maman, mais elles sont indispensables. Au neuroné, surtout quand il naît après, c'est la respiration. C'est pour cela, donc le premier geste qu'on fait quand on a la naissance, on lui tape pour tout. Hein? Il y a cette bouffée d'air qui rentre qui le fait pleurer. Hein? C'est ça, avec les deux cris à la naissance et à la mort. C'est un truc. Oui, malbelèche. Donc, à la mort, tu rentres à la mort. C'était quand tu te vas réveiller de la mort. Ça m'est jamais arrivé. Même Tish, je me suis dit. Bon, très bien. Ça, c'est Hadassidine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une détresse respiratoire et une hypotonie. Donc, il faut tout faire si on doit prévenir à ce moment-là. Il est préférable, on va revenir, des conduites à tenir. Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, tout simplement, le risque n'est plus un risque pour la maman, mais un risque pour le fœtus. Donc, il faut tout faire pour éviter l'hypotonie de la détresse respiratoire, c'est de choisir des médicaments qui ont un temps de vie court. D'accord? Là, c'est un exemple où il y a une prise en charge et un choix. On va les revoir. C'est pour vous donner à peu près des flashs. Les neuroleptiques, il n'y a pas de problème. Ce sont des médicaments pour les gens qui souffrent de dépression, d'accord, ou d'anxiété majeure, on donne Naldon. Mais c'est des médicaments qui ne présentent aucun effet thérapeutique. Mais le problème se pose beaucoup plus. Pour le fœtus, il n'y a pas de problème, mais pour la maman, il y a un des signes atropiniques. Et les signes atropiniques, c'est les diminutions. Des péristaltismes, des spasmes qui peuvent être néfastes pendant le moment donc, de délivrance du bébé et beaucoup plus d'hypotension chez la maman. Donc la surveillance, on va calculer le risque. J'avais dit qu'il y a bénéfice-risque. Le risque est beaucoup plus un risque pour la maman. D'accord ? C'est plus un risque qu'on pour les berceaux pour le fœtus. Là, c'est des informations connues. Donc on peut faire. Attention, le lithium. Le lithium est un médicament donné comme antidépresseur. Mais on sait que le lithium est un tératogène. Il est classé dans la classification X. Et il entraîne des malformations, c'est-à-dire des altérations morphologiques. Les structures des valves ne sont pas finalisées. Donc on n'a pas le choix. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas, si on peut pas, parfois, si vous allez voir le choix. Si c'est une maman qui est là, qui est traitée, je ne vais pas du jour au lendemain arrêter son traitement, elle va faire des dépressions et des suicides. Tentative de suicide. Donc, je suis obligé de faire quoi? La question que je vous ai posée, est-ce que vous avez des moyens suffisants pour surveiller la grossesse? Donc, pour faire des échographies. Et faire donc une surveillance qui est donc postnatal et néonatal. Maintenant, si on va revenir, c'est qu'il y a un risque pour le bébé de malformation, et il y a un risque également pour la maman. Parce que le lithium est un ion qui va le sodium, qui va le potassium, lithium est lithium. Il suit les mouvements des pompes sodium et potassium, vous allez trouver. Et d'un seul coup, après après l'accouchement, qu'est-ce qui se passe? Des diminutions de compartiments. Des diminutions de compartiments, donc la concentration, elle augmente. On est obligé de faire quoi? De réduire les doses des médicaments avant sa grossesse. La dernière, pourquoi? Parce qu'il y a un risque de surcharge et qui va entraîner une intoxication. Intoxicité avec des arrêts cardiaques. D'accord? Ça, c'est des exemples des médicaments qui sont connus. Les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants entraînent chez la femme une maladie cardiaque. Elle entraîne une bradycardie aussi bien chez la maman que chez le fœtus. Et la bradycardie chez le fœtus est mortelle. Et il y a des morts in utero. D'accord? Alors, la même chose pour la verapamil. Donc, ça, c'est des flashs. Les antalgiques, on connaît. Le plus simple, le moins dangereux, le A, c'est le paracétamol. Mais ça ne marche pas. On a également, si on a un processus inflammatoire, c'est l'aspirine. Et l'aspirine, il faut faire attention. Parce que l'aspirine entraîne des anomalies de hémostase. Donc de la coagulation. Mais il y a également, il y a des anti-inflammatoires qui sont totalement proscrits. Le Voltaren. Nifluride. Tous les anti-inflammatoires, les anticox sont proscrits parce qu'ils vont présenter plus le risque, voilà, et supérieur. On les classe X, d'accord. Par contre, le paracétamol, on est classé A. L'aspirine, on le donne souvent, les 36 semaines, et on le donne à 100 mg par jour, on le donne, on le prescrit chez la femme, enceinte. Mais il faut faire attention, si on le prescrit, il faut surveiller. Surveiller plus exactement. Plus exactement, vous allez faire quoi comme surveillance? Échographie. Pas l'échographie. Le risque, c'est la trouble d'hémostase, en fait. Le TP. Le TP. Tout simplement. C'est ça ce que je vous disais. Est-ce que vous avez des moyens de surveillance? Est-ce que vous avez des moyens pour faire une échographie, pour faire un bilan biologique, pour voir l'état? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, le risque des troubles d'hémostase à ce stade-là? C'est un risque pour la maman, et pas pour le fœtus. On sait que tous les anticoagulants sont tératogènes au premier trimestre. Mais s'il y a nécessité et obligation, qu'est-ce que vous allez donner? Mais quel type? De gros poids moléculaire. Très bien, des parines. On choisit des parines parce que les parines ne passent pas. Ne passent pas la barrière. Les anticoagulants sont tératogènes sur le fœtus. Le risque est fœtal. Mais si je donne un autre anticoagulant à faible dose, qui ne peut pas passer la barrière, j'ai pas de problème. J'ai un effet pour la maman sans pour avoir d'impact pour le fœtus. On est bien d'accord. Ça, c'est toujours des antidiabétiques. Une femme qui est enceinte diabétique. Des biguanides, pas d'effet malformatif, aucun effet thérapeutique. Donc, catégorie A, il n'y a pas de problème. Mais si le biguanide ne sont pas, c'est une dame qui n'est pas sous monothérapie, elle est sous bithérapie, elle est sous biguanide sulfamide. Les sulfamides sont thératogènes. Est-ce que je donne? Merci beaucoup, bien sûr. C'est une macroprotéine, donc je remplace les sulfamides par un autre antidiabétique, par une molécule raisonnée. Je vous ai donné tout à l'heure deux mots. C'est des parines, c'est l'insuline et les immunosuppresseurs. Trois molécules, qui sont de gros poids moléculaires, qui ne traversent pas la barrière. Retenez quand même ces trois. Et là, facilement, donc je peux donner l'insuline, je peux équilibrer la maladie diabétique sans pour autant affecter le fœtus. Il n'y a pas de risque d'hypoglycémie. Je le fais juste, puisque la cellule ne traverse pas la barrière. On est bien d'accord? Autre cas de figure. Maintenant, je suis passé à l'omérable. On se dit X, donc, carrément. Le X dit quoi? J'ai une molécule comme la vitamine A qui est connue comme étant tératogène. J'ai des études sur l'animal, sur les êtres humains, sur soi, je suis. Je n'ai pas le choix. À l'époque, quand c'est les gènes, je peux vous dire que c'est tout simplement que certains médicaments ont un effet tératogène 2 ans après l'arrêt du traitement. C'est-à-dire que si vous avez une maladie traitée de la colonie de molécules, eh bien, elle n'a pas le droit de tomber enceinte après 2 ans. Parce qu'on revient à un temps de demi-vie. Donc, il y a, je reviens à des décisions. On va terminer par. On va rentrer dans la conclusion. Certains, pendant 3-6 mois, mais si vous avez une femme qui est traitée par ce type de médicament, et va venir vous voir en vous disant que voilà, je suis enceinte, vous êtes obligé de préconiser quoi ? L'arrêt, de faire une interruption de la grossesse. Ça, parce que c'est connu, mais. Les antibiotiques. Oui. Oui, se réveille maintenant. Mais s'il le faut. Mais s'il le faut. Oui, ça, vous allez voir que c'est une discussion dans la conclusion. Certains antibiotiques, vous allez voir, je m'excuse des couleurs, telles que les tétracyclines. Les tétracyclines et les quinolones. La bactérie. Les sont proscrits pendant toute la grossesse. Parce qu'ils ont un effet tératogène. Alors, quand vous prenez la rifampicine, médicament administré quand tuberculose, eh bien, il est interdit. On peut l'éviter au premier trimestre, mais il n'a pas d'effet tératogène ou de risque de malformation, d'altération d'organes locaux, parce qu'il n'a pas d'impact fonctionnel. Et on n'a aucun effet, on peut le prescrire par la suite. Alors que les pénicillines, les bétalactamines, c'est pas le sporine, et là, les macrolides, la Rovat, pas de problème, ils n'ont aucun effet tératogène, ni fonctionnel, ni morphologique. C'est-à-dire que si vous avez une infection, eh bien il faut, par connaissance, il faut choisir la bonne molécule, malgré que parfois, le spectre d'action vous dit autre chose. C'est-à-dire que vous devez choisir peut-être une molécule moins puissante, mais plus. Plus efficace. Plus efficace pour qui ? Les deux. Pour les deux. Parce que le rapport bénéfice-risque, vous avez plus de bénéfices avec un moins risque. D'accord ? La même chose pour les médicaments antimitotiques, antirétroviraux, la chimiothérapie. Ben, certains, il faudrait faire un choix. Il y a des mamans, à certains moments, on était obligé maintenant, avec le développement, de faire un choix sur des mamans qui étaient sidéennes et qui ont accouché d'enfants non sidéens. Parce que, et à ce moment-là, on a choisi des molécules qui ont permis d'éviter la contamination du fœtus. C'est un choix, parce que pour il y a à peu près 5-6 ans, on interdisait tout simplement la grossesse. Séropositif. Donc c'était interdit. Maintenant, on est passé à un autre volet où on peut, la même chose, on interdisait à des femmes qui ont subi des chimiothérapies d'être enceintes parce qu'on avait peur de malformations tératogènes ou pas. Mais en tenant compte du temps de demi-vie et des études protectrices, ben, il y a 2 enfants, donc des mamans qui avaient conservé ça, qui ont subi donc une chimio et une radiothérapie, et qui sont tombées enceintes par la suite avec des enfants normaux. D'accord ? Donc ça devient un peu plus compliqué, parce que le choix, vous allez voir dans quoi, c'est un choix qui doit être entre vous et la mère. C'est vous qui devez choisir et ne pas être un peu genre titanique. Dans les vaccins, eh bien, il y a des vaccins qui sont complètement contre-indiqués, mais il y a des vaccins qu'il faudrait éviter, qu'on est obligé de faire, mais qu'il faudrait pas éviter. Et je reviens maintenant à une notion que vous avez déjà, c'est le bénéfice. On a utilisé certains vaccins, mais quand vous avez, il est préférable de les utiliser sans adjuvant. Si vous vous rappelez des accidents qu'il y a eu dans la grippe aviaire et les trucs, parce que certaines femmes enceintes ont eu des problèmes parce que avec les adjuvants. Puisque pourquoi l'adjuvant, eh ben, il va exagérer la réaction allergique. Et à ce moment-là, si elle est supportable parfois pour la maman, elle n'est pas pour l'enfant. Et de préférence, il vaut mieux laisser, parce que l'adjuvant va un peu potentialiser la réponse. Et là, si la réponse en intensité est exagérée, elle présente un risque. Et de préférence, le choix de vaccin chez la femme enceinte doit être sans SARS, sans adjuvant. La conclusion, peut-être. On se donne la conclusion. Notez conclusion, du coup. Mais avant de noter ce qu'il y a au tableau, vous avez deux cas de figure. On revient au cas de figure. Là, je vous demande, s'il vous plaît, de raisonner avec moi à travers les exemples qu'on a vus. D'accord ? Si vous avez retenu quelques exemples. Vous avez, j'ai dit, une femme qui a un chien, vous ne savez pas. C'est rien simple, et elle-même, elle ne le sait pas. D'accord ? D'accord ? Il y a une démarche. La démarche, si le traitement est nécessaire. D'accord ? Le traitement est nécessaire. Comment vous allez envisager ou procéder à un traitement maternel, la pathologie, sans pour autant que ce traitement soit, ou ce traitement soit le moins nocif. Moins nocif, aussi bien pour la maman que pour le fœtus, pour les deux. D'accord ? Donc vous considérez de prime abord que la femme qui est en face de vous, même si elle n'est pas, elle est probablement enceinte. C'est ça l'hypothèse. Et l'hypothèse, vous avez trois questions auxquelles vous devez répondre. D'abord, est-ce que, quand vous allez traiter, est-ce qu'il n'y a pas une interaction entre la pathologie et la grossesse ? Est-ce qu'il n'y a pas une interaction ? Est-ce qu'il n'y a pas une interaction ? C'est une femme qui est hypertendue, d'accord ? Ou là, c'est une femme diabétique qui est enceinte. Choisis les exemples les plus simples. D'accord ? Deuxième question, si vous voyez qu'il n'y a pas d'interaction, c'est-à-dire que la pathologie n'est pas, ou que la grossesse, plus exactement la pathologie, n'est pas une contre-indication pour une grossesse éventuelle. Ça, c'est d'abord, il faut écarter. Pour que c'est... La pathologie, ce n'est pas le médicament qui va provoquer le rejet, le problème, mais c'est la pathologie sous-jacente. On est bien d'accord ? Ça, c'est la première question. Deuxième question, il faut choisir le médicament. Et le médicament le mieux connu, de préférence, si je ne mets pas le mieux connu, je peux mettre autre chose dans une question. Hein ? Non, pas les classes, même ça les classes, parce que je ne mettrai pas les classes. Je vais choisir deux mots. Moi, non, je ne pouvais pas le savoir. Hein ? Nécessité. Pas très clair. L'étude non. Non, c'est une étude vigueur qui se passait. C'est par la suite. Vous allez voir. On va le voir autrement. Non. Est-ce que vous devez choisir un médicament ? Ce que vous dites n'est pas faux. Mais je vais le résumer. Est-ce que vous allez choisir un médicament ? Quand j'ai dit moi, le mieux connu, ça veut dire qu'il est... Utilisé pour ancien. Merci beaucoup, on en parle plus ancien. Vas-y, veille, voilà ma stratégie. Je peux faire un an, on a donc, il vaut choisir un médicament le plus ancien parce qu'il a assez de recul. Des études qui sont faites. Oui. L'étudiant, vous pouvez. Un médicament récent, j'ai dit que vous n'avez pas assez de recul. Donc, le mieux connu, ça peut être qu'un ancien médicament. Je suis pas d'accord avec vous parce qu'il y a des médicaments qui sont récents, qui sont plus utilisés que les anciens. D'accord. Donc c'est pas. On change aussi ce mot-là, le mieux connu. On va vous le dire, changer ou pas, on va le dire. Là, on n'est pas dans le principe. Qu'est-ce que vous devez maîtriser ? D'abord, il faut maîtriser, quand vous aurez à traiter une femme, c'est voir est-ce qu'il n'y a pas une intervention pathologique grossesse. Si vous, donc, vous avez diagnostiqué sa pathologie, c'est de choisir un médicament. plus ancien, le mieux connu, c'est que vous maîtrisez bien, qu'il y a beaucoup d'informations, et carrément, vous devez programmer, au cas où vous connaissez, automatiquement, vous savez ce que vous attendez avec ce médicament en risque, donc il faudrait programmer réellement ce surveillance. Si je donne, c'est que c'est un médicament, comme je disais tout à l'heure, si, quel que soit, même, je ne parle pas de classe, même si c'est un médicament bien connu qui a un effet tératogène. Un effet tératogène. D'accord ? Il y a un risque. Si c'est un médicament où il est classé X, je le proscris. Ah non, non, dommage. Mais là où le risque est aléatoire. Donc il faudrait que je puisse disposer. Ma malade fait des crises d'épilepsie. Je dois aller sur des papiers. Est-ce que j'ai des échographies ? D'accord ? Est-ce que j'ai un laboratoire parce qu'il y a un risque hémorragique, je dois faire un TP. D'accord ? Est-ce que je peux faire une surveillance de la mère et l'enfant de façon adéquate ? Si je n'y ai pas, je ne veux pas mettre une molécule et mettre en danger l'un ou l'autre. On est bien d'accord ou pas ? Maintenant, si, votre camarade dit, si une modification du traitement est nécessaire, si on trouve un implant, ma malade est sous une molécule donnée. D'accord ? Je disais tout à l'heure. Ça fait question. Pas question, pourquoi vous parlez ? Si maintenant ma malade est sous traitement, je disais tout à l'heure des anticoagulants. Elle est enceinte. Ou là, vous avez dit qu'elle a. Maintenant, je peux préconiser un changement thérapeutique en équilibrant ma malade. Je peux la mettre sous éparise, d'accord, en surveillant toujours son TP, tout en sachant que j'ai minimisé le risque d'atteinte fœtale. D'accord. La même chose si elle a une infection, je ne peux pas donner les tétracyclines parce que les tétracyclines sont bons, d'accord. Sinon, je peux donner, comme j'avais dit, en fonction du spectre, je peux donner des macrolides au deuxième, ou là, plutôt pendant la grossesse, comme les pénis, en attendant que le premier trimestre se termine, et je peux les remettre. Quand l'organogénèse est terminée, c'est le risque de malformation morphologique. Hein, d'accord, morphologique est dépassé, je peux remettre pour un peu. Je stabilise mon malade pendant les trois premiers mois. C'est un changement et un choix. C'est à vous la condition que vous ayez donc un programme du début et assurer le suivi de la grossesse. Votre malade, et c'est ce que j'ai dit la dernière fois dans le premier cours, ça va notre problème, c'est que souvent, les femmes, elles souvent donc suivent chez des gynécologues en privé, on va des papiers cash parce qu'ils sont en congé, elles vont à notre gynécologue, et quand elle accouche soit dans une clinique privée, soit à l'hôpital, où elle n'a pas de dossier. Et tous les problèmes vont se poser ce jour-là. Parce qu'on n'a pas le carnet de suivi. Vous pouvez répéter la première étape, l'interaction entre la pathologie et vous. J'ai dit que vous devez savoir, est-ce que la pathologie n'affecte pas le développement du fœtus. Il n'y a pas de risque. Ce n'est pas un problème du médicament. Il faudrait d'abord vous écarter la probabilité. Ce n'est pas une interaction, ce n'est pas un risque médicament grossesse, mais c'est plutôt pathologie grossesse. D'accord ? Si la malade peut ne pas être prédisposée, on va voir dans la démarche, à être enceinte. Il y a votre pathologie, donc il faut ne pas. J'ai donné des exemples, mais ce n'est pas possible. Il faudrait laisser pendant 3, 6 mois ou de n'importe quel coup, stabiliser la maladie en bain. Donc, on va mettre une grossesse. Et pour cela, j'ai mis, pour suivre, le deuxième volet. Si dans le premier cas, avant la grossesse, l'aspect ou la démarche, elle est préventive, donc faire attention. Vous ne pouvez pas avoir toutes les données, c'est faire attention. Dans le deuxième cas, elle est prospective. Parce que vous pouvez être en face d'un cas, c'est que la malade, elle était suivie par vous, après un mois, après deux mois, ah, j'ai un retard. Vous diagnostiquez, donc, elle est enceinte. Alors que vous, vous étiez en train de la traiter sur la base qu'elle n'était pas enceinte. Et top, elle est enceinte. Même sous contraceptif. Mais ça arrive. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faudrait faire une seule chose. Quelles sont? Il faudrait mesurer. Et là, je reviens à ce que disait votre camarade avant de vous quitter, il y a une décision d'un acte médical. C'est entre vous et votre patient. Pourquoi? Parce qu'il faudrait connaître, tout simplement, il faudrait que vous, vous maîtrisiez bien les données pharmacologiques du médicament que vous avez donné. Parce qu'il est déjà. Il faudrait que vous connaissiez le développement et cycle, c'est-à-dire les aspects embryologiques. Et troisièmement, que vous ayez assez de connaissances épidémiologiques pour savoir s'il y a d'études et d'impact sur vous. À travers ces trois données, vous allez voir. Si on est dans le cas de la vitamine A, je choisis le cas, le mauvais cas. Elle était traitée par la vitamine A, et tout en sachant que la vitamine A est tératogène. Tout en sachant que la vitamine A est tératogène après 6 mois jusqu'à 2 ans. Après l'arrêt du traitement. Il faut attendre 2 ans après l'arrêt du traitement, et 6 mois pour éviter le risque. Et oui. Mais là, elle est du traitement, elle est tombée enceinte. La règle qui dit, en biologie, c'est un médicament qui est proscrit. Normalement, mais la règle. C'est un médicament qui était prescrit initialement et que la grossesse est venue après. Même en supposant qu'elle a arrêté après une année. Elle est tombée enceinte. Est-ce que vous avez compris ? La meilleure décision, se faire une interruption de grossesse au sein. Et mais vous allez être confronté. C'est une décision médicale. Qu'il y a beaucoup de femmes qui disent que c'est pas possible le cas. Mais tout dépend du cycle. À quelle période est-ce que vous êtes? Moi, c'est une période qui peut se faire. Mais d'autres personnes, même pour vous dire, je baisse. Mais je ne vois plus faire très. Non, vous ne pouvez pas. C'est une mentalité, c'est une discussion. Et c'est pour cela que je dis que c'est un acte. Ça peut vous faire rire, mais ça existe. Il y a des gens qui refusent, quel que soit. Qui refusent. Donc c'est à vous de convaincre ou de convaincre. Vous n'avez pas. Je dis bien, c'est un acte médical. Vous êtes responsable de l'acte médical, mais pas de l'acte moral. Parce que la décision est partagée. Maintenant, le deuxième cas de figure, il y a des médicaments où il y a un risque. Votre malade était, parce que je le dis, soit on peut tout simplement faire. Je vais revenir par la porte. C'est carrément, on peut programmer une grossesse. C'est-à-dire que vous avez une malade qui a donc une pathologie chronique, et il y a. Maintenant, la malade est sous des paquets. Soit elle a, soit puisque une malade qui est sous des paquets, et on a découvert qu'elle est enceinte. Tout en sachant que la dépaquine est tératogène. Les données pharmacologiques le disent. Les données épidémiologiques le disent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, on peut revenir à cette décision, c'est qu'on va à un glissement thérapeutique. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si on peut le faire avec un certain acte médical, tout dépend du type d'atteinte, eh bien, je peux diminuer et faire disparaître la dépakine en introduisant un autre antibiotique épileptique qui a moins de risques. C'est-à-dire, je préfère choisir de loin un médicament qui a des altérations fonctionner que des altérations. Je sais que le Gardénal et le Tegreton sont des antibiotiques qui entraînent des hémorragies. Je préfère dire je peux surveiller ce risque hémorragique, d'accord, que d'avoir une information que je ne peux pas contrôler. Et je peux faire aussi bien, parce qu'il y a des recommandations chez la femme, je peux faire la surveillance du TP et éviter le risque hémorragique. En faisant quoi? Eh bien, il y a des schémas thérapeutiques. Je donne la vitamine K à la femme juste après l'accouchement et je donne au nouveau-né une dose pour éviter les risques. C'est un traitement préventif. En maîtrisant, je peux contrôler parce que j'ai les moyens de diagnostic. Je peux faire des glissements. Chez un diabétique, une femme, si elle est sur sulfamide et que le sulfamide est une molécule qui a permis de la stabiliser, je ne peux pas du jour au lendemain supprimer, et bien je peux le faire tout simplement. J'enlève au fur et à mesure les sulfamides hypoglycémiantes et j'introduis la glycémie. Juste après, et puis après la grossesse, on la reprend. Il y a des schémas de glissement et de prise en charge, si c'est pour ça que je dis que le choix. Et dans le même cas de figure, d'accord, on peut le faire chez une femme qui n'est pas enceinte, vous savez, qui peut venir. Vous savez que c'est une épileptique qui veut être enceinte après des années. Vous êtes obligé de l'accompagner. Et à ce moment-là, si elle était sous des molécules connues comme étant tératogènes, et ben vous pouvez faire ce qu'on appelle des glissements thérapeutiques et donner des médicaments à moindre risque. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi efficaces, mais que le rapport bénéfice-risque soit meilleur pour l'un et l'autre. Vous n'allez pas raisonner que pour un, vous allez raisonner pour deux. C'est ça les démarches. À travers des exemples que je vous ai donnés. Est-ce que c'est clair? Oui. En début de grossesse, tout dépend du type de molécules. Certains médicaments, j'ai dit, si les médicaments est un médicament auquel vous pouvez le substituer, il y a la possibilité de substitution sans avoir un risque pour la maman. Mais s'il présente un risque, je vais donner l'exemple du lithium. Le lithium pour la dépression, on ne peut pas le substituer, sinon on va faire des dépressions. Et une malade qui est maniaco-dépressif peut faire des phénomènes d'autolyse, suicide. D'accord? Ça existe. Et là, on ne peut pas lui interdire le process. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, eh ben, il faut avoir les moyens de diagnostic pour surveiller. Il y a un risque tératogène, eh ben, on surveille le risque tératogène parce qu'il faut avoir les moyens. Maintenant, si vous n'avez pas le moyen, il faut orienter la malade, mais ce n'est pas la peine. Alors, je ne peux pas vous suivre parce que vous n'avez pas le moyen de diagnostic pour surveiller donc, aussi bien le fœtus que la malade, la maman, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui étaient dépressives, qui sont mortes. À l'accouchement, elles sont mortes sur la table parce qu'on n'a pas calibré l'enfant. Et ça a fait un surdosage, une surcharge en lithium qui a provoqué un arrêt. Monsieur, quand on tue les deux, le fœtus et la maman, dans le cas du lithium, si on trouve des effets thérapeutiques pour le fœtus, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est une alerte médicale, on revient au choix. C'est-à-dire que vous avez une chance. Il se pourrait que l'enfant naisse sans malformation, mais il peut naître. Maintenant, la malformation peut être corrigée. C'est pas parce qu'il y a l'installation de la débat. Il peut. Je viens de surveillance. Mais maintenant, c'est un acte. C'est la mère qui décide, c'est les parents qui décident. Vous n'êtes qu'un acteur pour l'installation pour mesurer les risques. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est clair? Donc dans la conclusion, notez que avant la grossesse, la démarche est préventive. Si le traitement est nécessaire, il doit être le moins nocif. Le traitement est nécessaire, il doit être le moins nocif pour la mère et l'enfant. Pour cela, il faudrait deux points. Pour cela, il faudrait poser le problème d'interaction de la pathologie et de la grossesse. L'interaction de la pathologie et la grossesse. Deuxièmement, choisir le médicament le mieux connu. Troisièmement, ne pas sous-traiter la pharmacienne. C'est-à-dire que donner des posologies basses pour dire que je vais éviter de contaminer. C'est ça ce qu'on appelle sous-traiter. Ne pas donner des sous-dosages. Troisième, ne pas sous-traiter la pharmacienne. Et en dernier, programmer les éléments de surveillance. Programmer les éléments de surveillance, entre parenthèses, mère, enfant. Ça veut dire aussi bien pour l'un que pour l'autre. Si une modification du traitement est nécessaire, elle est envisageable au début de la grossesse, de préférence. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Elle est envisageable au début de la grossesse. Ça, c'est avant la grossesse, après le début. Vous savez qu'elle est malade, que votre femme qui est chez vous, qui est malade, et qui peut être enceinte avec des pathologies chroniques, et vous êtes donc, vous pouvez prendre en charge, au préalable, vous allez minimiser le risque. J'ai que devant le fait accompli, elle était sous traitement, deuxième cas de figure, deux années. Et je suis enceinte, tout en sachant que c'est des médicaments à risque. Donc même si je change, ça peut être... Ça peut, la démarche n'est pas la même. Dans le premier cas, c'est plus facile de raisonner et de faire des glissements thérapeutiques. Dans le deuxième cas, le glissement thérapeutique n'est pas possible. Parce que le fait de changer, parce que vous avez déjà une modification pharmacocinétique, le fait de changer le traitement, vous allez changer la réponse. Donc automatiquement, la maman va faire des réponses, des échecs thérapeutiques. C'est une épileptique à pas convulsée, c'est une diabétique à des hyperglycémies. Toutes ces manifestations vont se répercuter sur l'enfant. D'accord ? Donc après, après le début de la grossesse, la démarche est prospective. Et la décision est un acte médical. La décision. J'ai dit que après le début du traitement. C'est-à-dire que maintenant, la femme, elle est enceinte. Là, c'est-à-dire qu'il y a eu un traitement et que la grossesse est venue avant. D'accord ? La démarche est prospective. La démarche est prospective. Elle n'est plus préventive. Et la décision est un acte médical. Même les morceaux. C'est un acte médical. Travailler avec les moyens de bord. La démarche est prospective et j'ai dit que la décision est un acte médical. Pour cela, il faudrait connaître précisément les données pharmacologiques. On est bien d'accord ? Connaître bien votre médicament, faudrait quand même les données pharmacologiques, embryologiques, des données pharmacologiques, embryologiques et épidémiologiques, pardon. Pharmacologique, ça signifie tout simplement, et je peux changer la question, c'est-à-dire tout ce qui est la classe, les propriétés, le temps de demi-vie, tout ce qui se rapporte. Embryologique, c'est qu'elle est à quel stade, quel jour de grossesse, pour éviter, parce que certains médicaments sont proscrits. Et épidémiologique, est-ce qu'il y a assez de données bibliographiques pour dire que ce médicament est probablement ou pas du tout thérapeutique. D'accord ? Donc il faudrait, pour cela, il faudrait donc préciser, connaître, avoir des données pharmacologiques, embryologiques et épidémiologiques. L'interruption de grossesse est préconisée. Elle dit tout simplement. Interruption de grossesse. Elle est préconisée. Donc vous n'avez pas. C'est pour les molécules. Maintenant, pour les molécules. X, elle est indiquée. Donc, elle est indiquée, donc tout dépend. Vous avez une démarche qui est préventive et prospective. Je ne vais pas vous en aider également par préconisé. Cette manche, c'est que c'est une démarche qui est rétrospective. La démarche rétrospective, c'est plus et préconisé. Un problème pour la maman, mais c'est un problème pour le. Le bébé, parce qu'il y a des médicaments qui vont rester, donc c'est plus médicaments et grossesse, c'est après grossesse. C'est pour cela que je vais après la un peu cette planche. Je préfère rester à ce stade-là. J'ai résumé la première partie. Donc la deuxième partie, c'est très important. Selon le stade où vous êtes, il faut faire attention à la nidation, pour avoir la loi du pluriel, et au type d'altération. Est-ce qu'elles sont fonctionnelles ou structurales? Et vous passez au fur et à mesure au stade embryonnaire, néonatal, périnatal, etc. Pour faire pour évaluer le risque. À ce moment-là, la démarche qui vous est demandée de réfléchir, est-ce que vous devez faire, et la question, faites attention à la question que vous aurez, est-ce que vous êtes en connaissance ou pas d'une grossesse, est-ce que vous avez déjà traité ou vous allez commencer un traitement? C'est la question que vous aurez et vous devez bien lire vos questions. Sur. Est-ce que c'est clair concernant ce point? Vous l'avez mis un tout petit chouïa? Un tout petit chouïa? Non, il faudrait un peu beaucoup. Un tout chouïa. Maintenant, si vous avez retenu les mots clés, je ne vais pas vous demander en dehors de ce que les choses sur lesquelles on va discuter, parce que c'est les lignes directives et les précautions à prendre. Les exemples, c'est beaucoup plus pour illustrer qu'est-ce qu'on peut faire avant, pendant et après. Aussi bien pour la maman que pour le fœtus. Je vous ai parlé du lithium, je vous ai parlé pour les anticoagulants, etc. Pour les antipyrétiques, pour les glissements, pour le choix, est-ce qu'il est préférable de choisir un médicament qui présente mieux, qui peut présenter un risque fonctionnel qui est contrôlable, qu'une altération morphologique qu'on ne peut pas contrôler. Ça, c'est deux questions initiales. Le choix, est-ce que vous avez les moyens de choisir la molécule et de la suivre? Et suivre maman, enfant. Si vous avez le moyen, donc il est préférable de choisir le médicament là, ou la molécule la plus ancienne. Pas de question. Et je voudrais aucune question de dimanche à la session. Oui. Pardon ? Ce que je dis, c'est pas une chose, c'est juste avoir manqué. Je vous demanderai pas de passer la suite. La suite, c'est un médicament. sur le plan, on le passe sur le plan B. Ça fait grand. Il y a un risque qui est déterminé et qui est contrôlé. Si on en parle, on va Maman, faites avant.